D'Ottawa. Bonjour, Madame Murekatet. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, je vous entends bien. On vous entend bien également. C'est un plaisir de vous avoir à l'émission Autour du Bloc. En première partie de l'émission, Philippe Couton nous parlait de cette nouvelle immigration en Ontario, de ces nouvelles diasporas francophones qui viennent s'établir, entre autres, dans la région d'Ottawa-Gatineau. Je vous pose la question, si on jette un œil au contexte communautaire, qu'en est-il exactement du portrait en matière d'immigration à Ottawa? Ottawa est devenue la seconde ville qui reçoit le plus d'immigrants en Ontario, c'est-à-dire après Toronto. Et vraiment, on voit que même la croissance de la population à Ottawa dépend de l'immigration. Et nous prévoyons dans les 10 prochaines années de recevoir entre 6 000 et 8 000 immigrants par an, et ce qui est quand même quelque chose. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'immigration ou l'afflux d'immigrants à Ottawa est en pleine expansion? Oui. Donc, ça se confirme à travers les statistiques. Et quels sont les principaux profils, les principales nationalités que Ottawa accueille présentement? Vous voulez parler juste des francophones ou bien de... En fait, on peut y aller avec l'immigration francophone pour essayer. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de nous parler plus exactement de l'immigration francophone, mais comme c'était le sujet de la première entrevue, oui, on pourrait continuer avec ça. Donc, en matière d'immigration francophone, quelles sont les principales nationalités que Ottawa accueille de plus en plus? En ce moment, l'immigration francophone, pourquoi nous revenons là-dessus, c'est qu'elle est... Elle devient de plus en plus grande et ça croît de jour en jour parmi la nouvelle immigration en général à Ottawa. Et alors on voit, elle est faite de personnes d'origine haïtienne. Il y a des Djiboutiens, il y a des Libanais, il y a les ressortissants de la région des Grands Lacs africains qui est la plus grande aujourd'hui. Oui. La plus en... qui vient vraiment avec une grande force ces dernières années. Il y a les Maghrébins. Et il y a les autres aussi qui sont francophones, mais surtout ce qu'on voit en ce moment qui sont les plus fréquents, ce sont ceux-là que je viens de citer. Donc, même sur la région d'Ottawa en général, on voit que l'immigration francophone vraiment se croît à grande vitesse. C'est intéressant ça quand même de voir ces nouvelles diasporas francophones qui arrivent à Ottawa, qui est finalement une ville qui a déjà été bilingue et qui malheureusement l'est de moins en moins. Comment est-ce qu'on explique ce nouvel afflux d'immigration francophone en contexte minoritaire à Ottawa? J'ai posé la même question à Philippe Couton, mais je serais très intéressé de vous entendre sur cette question-là. Est-ce que c'est parce que Ottawa a changé? Est-ce qu'elle a beaucoup changé comme ville depuis les 30 dernières années? Elle change, surtout depuis les 10 dernières années plutôt. On voit qu'elle change et puis il y a beaucoup plus de minorités visibles qui viennent de ces pays que j'ai cités, mais aussi le fait que c'est une ville peut-être qui intéresse beaucoup les familles. Oui. Et je pense que c'est pour ça que la plupart des familles qui viennent, et comme justement les pays qui envoient ces immigrants-là, c'est surtout des familles qui viennent. Alors, ils aiment beaucoup s'établir ici, tout autour de la région de la capitale, Ottawa-Gatineau. Est une région privilégiée en ce moment. Maintenant, on voit que 20% de la population d'Ottawa maintenant deviennent issus de minorités visibles, ce qui n'était pas il y a quelques années encore. Ça vient de cette immigration qui augmente. Et dans les prévisions, on pense que d'ici 2017, les minorités visibles auront atteint à peu près 28% de la population d'Ottawa. Est-ce qu'on pourrait dire, selon vous, qu'Ottawa est une ville inclusive? Est-ce qu'elle pourrait avoir on pourrait dire qu'elle a le statut de ville inclusive actuellement? Par exemple, dans la vision d'Ottawa, par exemple, Ottawa voit Ottawa comme une ville inclusive où tous les immigrants, par exemple, concourent quand même à bâtir une vie et bâtir la vie de cette collectivité. Et la transformer avec leur talent, leurs compétences, leurs valeurs et leur culture. Et je pense que c'est une ville qui est inclusive. Donc, vous avez parlé de l'OCISO, donc qui est l'organisme communautaire des services aux immigrants d'Ottawa pour lequel vous travaillez c'est un organisme, en fait, qui s'inscrit dans tout un réseau associatif de soutien aux immigrants et qui semble prendre de plus en plus d'importance. Quel est votre rôle auprès des nouveaux arrivants dans la ville d'Ottawa? OCISO, dans son mandat, il guide les immigrants au long de leur traversée pour faire du Canada leur pays, en leur facilitant le fait de s'intégrer, en leur offrant des services qui répondent aux besoins culturels, linguistiques, économiques et tout ce qui s'ensuit à ces immigrants selon le cas de chacun et de chaque famille. Et puis ils forgent aussi des liens communautaires parce que c'est avec ces familles-là qui s'installent. Ils viennent avec des communautés, ils bâtissent des communautés. Alors, OCISO se forge des liens communautaires avec ces communautés et il fait des partenariats, il installe un dialogue ouvert entre toutes ces communautés et toute la ville d'Ottawa. Et d'après ce que vous constatez sur le terrain, quels sont les défis particuliers en matière d'intégration auxquels sont généralement confrontés les nouveaux arrivants à Ottawa? L'immigration en soi est déjà un grand défi parce que c'est un saut dans l'inconnu. Mais elle passe par plusieurs étapes. Déjà même à partir du pays, quand ils commencent à penser à partir, nous appelons ça la période de pré-migratoire, c'est déjà un changement qui commence. Et dès qu'ils arrivent ici, ils vont à une autre étape de s'établir maintenant, qui peut passer très longtemps, qui peut durer... officiellement, au niveau fédéral, on pense que peut-être l'intégration au niveau de l'établissement se fait peut-être en 5 ans, mais nous avons trouvé qu'il y en a qui passent beaucoup plus longtemps. Il y en a même qui font cette étape-là toute la vie. Et après l'établissement, quand il est bien fini, il passe à une étape qu'on appelle l'adaptation ou l'acclimatisation, si on veut le dire en français. Il s'acclimate au nouveau pays, à sa nouvelle nation. Mais par après, il s'intègre alors. Et dès qu'il s'intègre, on finit quand même par être, cette fois-ci, passé à une étape de l'inclusion totale. Et là, on pense que l'étape serait finie. Alors, vous voyez que c'est un long parcours. C'est déjà à la base un processus assez... Oui, c'est un processus assez important, assez long. Assez long, oui, parce qu'on parle, vous l'avez dit, de plusieurs années, mais dans le cas d'Ottawa, plus précisément, est-ce que, par exemple, est-ce que le bilinguisme pourrait être la particularité du bilinguisme à Ottawa, est-ce qu'on pourrait la considérer comme étant un obstacle supplémentaire pour l'intégration des immigrants? Oui, c'est un des défis qu'ils doivent... Autant il peut attirer les immigrants, sans doute, parce qu'on a le bénéfice des deux langues, autant ça nécessite un effort supplémentaire. Oui, ça nécessite un effort supplémentaire. Mais en général, les immigrants qui arrivent ont déjà pris le courage de passer toutes ces étapes. Ils viennent avec beaucoup d'énergie en se disant, bon, on a choisi ça, on va le faire. Et donc, le bilinguisme est un des défis qu'ils doivent surmonter. Mais OCISO, justement, est là pour essayer de leur faciliter ces étapes. Par rapport à l'isolement maintenant, qui est, j'en discutais avec une amie à moi qui est burundaise et qui finalement m'expliquait que l'isolement était souvent un obstacle auquel les nouveaux arrivants étaient confrontés. Est-ce que vous croyez qu'Ottawa est une ville qui a suffisamment de points de repère ou qui permet de pallier ou de contrer finalement le phénomène de l'isolement de l'immigrant? Oui, l'isolement est très sensible pour quelqu'un qui vient d'arriver, ça c'est vrai. Mais justement, c'est aussi ça, par exemple, dans ses services, offre des services qui ouvrent à ces immigrants les services communautaires qui leur sont offerts et puis aussi même à favoriser l'inclusion dans les communautés qui les environnent. Leur montrer où sont leurs communautés, où sont leurs congénères, où sont leurs peut-être les gens qui ressortent de leur propre communauté originelle pour essayer de se sentir moins seuls. Et puis offre aussi des activités qui peuvent les tirer de cet isolement-là. Il y a sans doute aussi, j'imagine, le climat, parce que c'est pas approprié, ou du moins c'est un changement assez assez drastique pour quelqu'un qui vient d'un pays du Sud. Oui, le climat est une grande surprise. Si j'imagine, par exemple, quelqu'un qui vient d'un pays chaud, quelqu'un qui viendrait de Cuba et puis tombe à Ottawa au mois de février, je pense qu'il doit subir vraiment un grand changement. Donc c'est une grande surprise et puis... Mais je pense que c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est surtout de recommencer la vie et d'apprendre à être, commencer à évoluer comme un petit enfant, alors qu'on était déjà formé, on avait déjà une mentalité déjà installée. Donc c'est ça qui est le plus dur. Et puis, des fois aussi, la barrière linguistique peut concourir à l'isolement que les gens ressentent. Oui, il y a beaucoup de choses qui concourent à mettre l'immigrant dans un isolement. Et donc, c'est pour ça que les services comme OSISO essayent de travailler sur ce côté-là pour qu'ils ne se sentent pas très isolés, qu'ils se sentent chez eux dès qu'ils arrivent. Vous avez fait référence dans votre communication à l'ACFAS au concept de compétences culturelles. Oui. De quoi s'agit-il exactement? Les compétences culturelles, c'est de... Parce que, comme je disais, que le plus grand défi, ce n'est pas juste la température ou autre chose, c'est surtout de comprendre l'autre culture dans laquelle on se trouve. Et alors de passer de sa propre... sortir du carcan de sa propre culture avec tout le passé, le bagage du passé qu'on a, et puis passer maintenant à comprendre avec beaucoup d'embûches, que ce soit relatif à l'établissement, que ce soit le manque de logement, le manque d'emploi, peut-être la reconnaissance de son diplôme, et puis essayer de comprendre, avoir maintenant un petit espace pour comprendre la nouvelle culture, ça prend du temps et des fois c'est difficile. Et donc c'est une étape aussi importante. Et alors, les compétences culturelles, que OSISO par exemple essaie de travailler pour lier la communauté accueillante aux communautés nouvelles, c'est d'essayer de comprendre la culture de chacun, essayer de trouver un moyen de les relier ensemble, de faire comprendre à chacun pourquoi l'autre est comme ça. C'est intéressant que vous parliez de culture parce que, en fait, en tant que Canadien, on se dit souvent que notre culture canadienne est un peu une coquille vide au sens où on n'a pas, disons, l'identité nationale est beaucoup plus diluée que dans un pays comme la France, par exemple. J'expose les deux extrêmes. Est-ce que c'est de votre perspective à vous qui côtoyez beaucoup de nouveaux arrivants, est-ce que vous voyez une culture canadienne beaucoup plus forte, beaucoup plus difficile à percer qu'on puisse le penser? Non, je pense que toutes les cultures ont leur façon d'être et c'est toujours étranger à l'autre qui arrive. Mais l'essentiel, c'est qu'elle soit ouverte et qu'elle soit propice à intégrer les autres, à inclure les autres et puis à s'ouvrir aux autres cultures. Et je pense que ça, quand même, la culture canadienne est justement, la première qualité, c'est d'être ouverte, d'accueillir les autres. Et je pense que c'est une culture qui change, qui absorbe les autres aussi. Je pense que c'est une culture qui est ouverte. Je reviens à votre rôle, plus précisément à l'OSISO. Dans votre démarche, finalement, est-ce que votre approche, vos méthodes, vos stratégies diffèrent selon si le client est un réfugié ou un immigrant? Parce que j'imagine que la réalité ne doit pas se percevoir de la même manière. Où les priorités ne doivent pas être aux mêmes endroits. Pour les réfugiés et les immigrants? Oui. En fait, l'approche doit différer selon si l'on traite avec un réfugié ou avec un immigrant. La ville ne les traite pas de la même façon, ça c'est vrai. Mais... Pardon, vous dites la ville ne les traite pas de la même façon? Non, je dis la vie. La vie, d'accord, pardon, oui. Oui, la vie, selon qu'on est réfugié ou immigrant, n'est pas tout à fait semblable. Mais... OSISO, par exemple, essaie de les traiter avec et qui était essayer de s'occuper du cas et des besoins de chacun à la mesure de tous les problèmes qui peuvent. Est-ce que les besoins sont généralement différents selon les deux cas? Oui, c'est différent parce que un immigrant qui arrive au moins est déjà quelqu'un qui peut vivre correctement, commencer déjà à s'établir sans passer par le statut de acceptation ou non. Mais quelqu'un qui vient comme un réfugié, c'est quelqu'un qui a déjà tout un bagage de problèmes qui tirent de son sa qualité de réfugié. C'est probablement quelqu'un qui viendra d'un pays en conflit, qui a déjà tout un vécu assez difficile. Et là, qui commence avec une incertitude de savoir s'il est accepté ou pas. Et dès que, donc, le temps qu'il passe à l'étape suivante d'immigrants reçus, c'est un an ou deux qui sont vraiment très difficiles. Alors, les services ne sont pas tout à fait égaux. Et c'est pour ça que OSISO essaie de quand même de combler le vide et d'essayer de traiter chaque cas selon les besoins qu'ils ont. Gertrude Murray-Cattet, vous avez mentionné en début d'émission que Ottawa accueillait beaucoup de familles d'immigrants, pour différentes raisons. Par rapport à cette question-là, les familles sont généralement sont composées d'individus de différentes générations. Je me demande en fait si l'intégration ne se réalise pas plus difficilement dans le cas des familles, justement parce que on a des jeunes générations qui, bon, les différents exemples nous permettent de voir que les jeunes générations s'intègrent peut-être plus facilement parce qu'ils sont plus régulièrement en contact avec la population jeune. Mais qu'en est-il des parents? Alors, est-ce qu'il n'y a pas un décalage finalement en matière d'intégration au sein des familles d'immigrants? Vous l'avez compris en fait. Les différentes générations d'une famille ne passent pas les mêmes étapes dans leur parcours intégratoire. Disons, si le parent, par exemple, fait un parcours qui lui fait passer 5 étapes, de la pré-migration à l'établissement, il passe de l'adaptation à l'intégration puis à l'inclusion. Le jeune, lui, il va sauter, il ne s'occupe pas de la pré-migration, ça c'est l'affaire de ses parents. Il commence à l'établissement qui se limite juste à son entrée, à s'établir dans son école. Et les jeunes sont des gens qui ont des qualités qui peuvent... Ils se font des contacts très vite avec leurs collègues. Et alors, ça se passe extrêmement vite et ils passent à l'intégration et à l'inclusion. Donc, ils vont très vite. Tandis que le parent est encore en train de se mouvoir dans l'établissement. Oui. Le jeune est déjà à l'inclusion avec l'aide de ses collègues, avec la vitesse de la jeunesse. Donc, ce qui fait que, comme vous dites, il y a un décalage. Alors, à un certain moment, ils ne comprennent plus, ils ne vivent plus les choses de la même façon. L'un est plus lent que l'autre, donc ils ne vont pas à la même vitesse. Et dans le cas des parents, j'imagine que ça passe par l'obtention d'un emploi. Trouver un logement, trouver un emploi, comment faire vivre la famille. Et entre-temps, il se rend compte que l'enfant lui a déjà passé de vitesse à l'intégration. Il parle un autre langage. Il est fluent en anglais. Il est très courant en anglais. Et peut-être même avec le français local. Donc, oui. Il est déjà parti très loin pendant que le parent se débat encore dans les problèmes primaires. Donc, ils ne vont pas à la même vitesse, c'est sûr. En terminant, on parlait de cette culture canadienne qui est ouverte. Mais est-ce que le racisme, l'exclusion et les autres barrières discriminatoires constituent encore aujourd'hui des obstacles que vous pouvez voir finalement auprès de vos clients? Ou est-ce que vous avez des situations en particulier que vous aimeriez nous partager à cet effet-là? Il y a diverses situations qui peuvent se présenter, mais comme je vous ai dit dès le début, OSISO s'emploie vraiment à essayer de travailler à bâtir une ville sans racisme, sans son genre de problème, et assurer aux immigrants vraiment une atmosphère qui peut leur faire exploiter leurs compétences dans l'équité avec les autres. Et je pense que ça marche. Ça marche. Et, bon, sûrement il y a des cas ici et là, mais quand même, il y a donc aussi ça arrive encore, des moyens de lutter contre. Ça arrive encore finalement dans... C'est ce que vous me dites. quand ça arrive, quand même, on a, il y a aussi des mesures pour essayer de lutter contre ça et de trouver des solutions. Il y a beaucoup de solutions. Alors, Gertrude Murekatet, agente de liaison multiculturelle pour l'OCISO, merci infiniment d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup pour cette discussion sur l'intégration des immigrants dans la ville d'Ottawa. Merci à vous aussi. Et sinon, vous pouvez même visiter notre site de l'OCISO. Vous verrez beaucoup plus d'informations là-dedans. Et on est toujours ouvert. Vous pouvez toujours même passer voir. Et puis, vous verrez tous nos services. Donc, l'appel est fait. Oui, on n'y manquera pas. Merci beaucoup, Mme Murekatet. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.